c'est la déroute que tous ces vieux sentiments n'auraient jamais quitté la soute de mon cœur barricadé où j'avais laissé mon passé. Mais malgré toutes ces années, je sais que je te suis resté. Dans mes veines, j'ai voulu te revoir. J'ai...